Should I Stay or Should I Go, les Clash, en 1982. Parce que quand il est tard et que t'as passé la soirée dans un bar à te vriller la tête, la vraie question est de savoir si tu dois rester ou si tu dois partir. Alors, pour commencer notre tournée dans les débits de boissons, il est nécessaire de faire une mise au point qui ne va pas plaire du tout à Émile et Gaston. Écoute ce reportage France Inter du 3 décembre 1995. Il n'est pas si loin, le temps où Émile et Gaston se retrouvaient au bistrot devant un crème calva pour lire le turf avant d'aller au champ de course. Là, les bistrots comme le béret basque font chaque jour davantage partie, non plus de notre patrimoine, mais de l'imagerie populaire et du passé. 500 000 débits de boissons au début du siècle, 40 000 aujourd'hui, en sursis. Des bistrots en sursis qui ont pourtant toujours la cote. Le café reste un lieu de convivialité où l'on aime se retrouver et où l'on a ses habitudes. Enfin, des habitudes. Mardi dernier, on a appris que ça risquait de changer. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Une proposition de loi pour aller encore plus loin dans la lutte contre le tabagisme, elle sera présentée demain. Le texte propose l'interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics, cafés, restaurants, bureaux ou administrations. Une proposition de loi qui vise à interdire la clope dans les restos et les cafés, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays d'Europe comme l'Irlande, la Suède ou l'Italie. Oui, ça peut bien changer les habitudes dans nos bouibouis. Je devrais plus fumer, il faut que j'arrête ces trucs. Non. Ces vacheries auront ma peau un de ces jours. Savoure-les pendant que tu peux. Si ça continue, la loi va nous obliger à fermer boutique. Ouais. Bientôt, quand ils t'attraperont avec une clope, ils t'enverront au peloton d'exécution. Le tabac aujourd'hui, le sexe demain. D'ici 3 ou 4 ans, ce sera sûrement illégal de sourire aux inconnus. Illégal de sourire à un inconnu, cela n'aurait pas fait plaisir à Toulouse-Lautrec, grand habitué des cabarets et des cafés enfumés de Montmartre. Nous explorons donc cette semaine des bistrots. Dater l'apparition d'établissements publics où l'on vend des boissons revient à dater les premiers regroupements humains. Tavernes et auberges sont omniprésentes dans notre histoire. Le premier café digne de ce nom apparaît au XVIIe siècle. Les Turcs viennent d'être défaits à Vienne par des Européens qui déjà leur refusent l'entrée en Europe. Dans leur retraite précipitée, les Turcs abandonnent vivres et provisions, dont leur stock de café. Une aubaine pour les vainqueurs qui établissent en 1683 le premier café viennois. La boisson connaît un rapide succès. En effet, à une époque où l'eau est suspecte, seul le vin, le cidre et la bière sont buvables, sans risque. Avec le café, il devient possible de boire une boisson non alcoolisée mais excitante, le top. Réservée dans un premier temps à une élite, la nouvelle boisson se démocratise rapidement, le café cavale. Les tavernes doivent alors rivaliser avec les commerces qui servent du café et au 19e siècle, les établissements se spécialisent. Les cafés restaurateurs servent à manger, les cafés débitants vendent du vin, les cafés limonadiers, appelés simplement cafés, servent donc de tout. Ils sont partout et prennent d'ailleurs tous les noms possibles, bars, zins, estaminets, bistrots et bien d'autres. Le café devient le lieu de la convivialité où l'on est sûr de trouver de la chaleur, de la lumière, quelques amis et du réconfort. Dans un café, on sympathise vite. On boit un petit coup ? Jamais en train. Je ne bois pas. Bois jamais ? Non. Il y a des gens comme ça. Allons, débitez votre boniment, Travis. Pas Travis, colonel. Moi aussi, je suis colonel. Avouez qu'on aurait l'air idiots tous les deux de s'envoyer du colonel, colonel, colonel comme une paire de perruches. Allez-y, appelez-moi Croquette. Je vous fais grâce de mon grade. C'est ce vieux sous-l'eau de général Flatford qui me l'a donné pendant la guerre contre les Indiens. Je vous appellerai Travis. Bien, comme vous voudrez, Croquette. Le café devient très vite le lieu où l'on se retrouve après le travail, le lieu de mixité sociale, même si les débits de boissons ont leur identité propre. Il y a tout d'abord le bistrot du coin, le rad, le troquet des habitués, le truc sans prétention. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros, des dégueulasse. Ce type de bistrot, quand il est situé à Montmartre, à Montparnasse ou ailleurs, peut changer complètement de nature si une bande de bohémiens se trouve dans les parages. Après avoir quitté leur chambre de bonne ou bien leur atelier, ils se retrouvent groupés autour du poêle. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème. La bohème, ça voulait dire aussi quitter Paris le dimanche pour aller au-delà des barrières de l'octroi chez Gégène, là où le vin est moins cher. À l'est de Paris, sur les bords de la Marne et de la Seine, se développent des débits de boissons, les guinguettes, où l'on danse au bord de l'eau en sirotant un petit vin blanc. Les guinguettes connaissent un succès important à la fin du 19e et au début du 20e. La guinguette a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fuse. On voit comme sur un écran les profils inquiétants dont les ombres s'amusent. Bien d'entre les rageurs en vengeur, oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Elle passe de mode dans les années 60 et de nombreux établissements ferment alors leurs portes. Mais aujourd'hui, les guinguettes connaissent à nouveau le succès. À côté de la guinguette, du bistrot d'artistes ou du troquet un peu vieillot, mais si sympathique, apparaissent des cafés pour la haute. Des établissements de renom au décor clinquant où vous entrez par hasard. Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Le grand café, c'est le café par excellence, celui qui reste attaché à l'image de la France. Le serveur y est un professionnel capable de retenir 12 commandes, toujours nickel, pantalon noir, chemise et tablier blanc, le nœud pape ajusté et surtout, surtout, un sens de l'équilibre à toute épreuve. Un garçon café au top, comme Daniel Lemoine en 1979. Autre course, mais à pied cette fois-ci, celle des garçons de café parisiens. 7 km 300 dans les rues de la capitale, avec à la main un plateau sur lequel on a posé une bouteille pleine et trois verres. Essayez de le faire sans rien renverser, vous verrez bien, ce n'est pas évident. Le vainqueur, Daniel Lemoine, 37 ans, a triomphé de 172 concurrents. Il a relié la gare Saint-Lazare à l'hôtel de ville en une demi-heure, sans tâcher sa veste blanche et en gardant son nœud papillon, ce n'est pas si mal. Chapeau Daniel, une bouteille, trois verres. Avec le sourire en plus, t'auras un pourliche. Les cafés font donc partie de notre patrimoine national et participent de l'image de la France à l'étranger. Le bistrot de Provence, où l'on joue à la belote sous le platane près de la fontaine en dégustant son pastaga, ou encore la grande brasserie parisienne, sont internationalement connus. Le café est donc le lieu de convivialité préféré des Français. On a tous notre voltigeur, notre balto, notre café de la gare, notre café du port, oui, notre café du port. Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoule. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Et petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Jamais deux à partir, y en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et petite cruche avec tes pots de confiture, tu partiras en sucette mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Thank you. tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore, oh. Et puis tu te larves, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port, au port, oh. Ton cœur de petite fille est mort. Il y a Dieu qui ronfle. Et petite fille, devant il y a les pyramides. Et petite fille, derrière le génie de la Bastille. Et petite fille, à ta droite l'arc de triomphe. Et petite fille, à ta droite l'arc de triomphe. Au port, chanson écrite par Camille, parce que tous les vieux doux de mer savent très bien qu'en rentrant à quai, ils peuvent aller siffler une mousse dans un rade sur le port. Alors, pour continuer notre voyage dans cet univers des bastringues, après t'avoir dressé une typologie du lieu, il nous faut désormais te dessiner une galerie de portraits des personnages que tu peux rencontrer dans un bar. Tout dépend, bien sûr, du lieu que tu as choisi. Si tu apprécies l'authentique, le vrai et le dur, tu peux rôder tard le soir, t'installer tranquille au comptoir et observer avec bonheur ce qui se passe. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Ah ça oui, c'est un genre, mais si tu traques la rombière, faut éviter la rue des Martyrs. Cela dit, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, tu peux aussi faire d'autres types de rencontres. Si tu viens le matin, par exemple, à l'heure du café crème, certes, l'ambiance est plus calme, mais il y a parfois des gangsters qui viennent prendre leur petit déjeuner et qui ont des discussions pleines de bon sens. Allons-y, tout le monde crache un petit billet pour la serveuse. À vous le ton dollar, mec. Le pourliche ? Ça non, j'y crois pas. T'y crois pas ? Pas au pourboire. Tu crois pas au pourboire ? Tu sais ce qu'elle gagne, ces filles, des clopinettes. Déconne pas, si elle gagne pas assez de pognon qu'elle se barre. D'accord pour donner un pourboire si on fait quelque chose qu'il mérite, si on m'offre un service en plus. Je paierai un extra, mais pour lui, je qu'on paye automatiquement, ça c'est bidon. Ça t'est égal que ces filles comptent dessus pour s'en tirer ? Serveuse de resto, c'est le boulot principal des nanas qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études. Ça doit être le seul boulot ouvert à n'importe quelle fille pour pas crever de faim. Et elle pourrait pas s'en sortir sans le pourliche. Allez, allons, Jean Dollard, sale petit rapia de merde. Je t'ai payé ton petit déjeuner. D'accord, t'as payé le petit-déj, je marche. Mais normalement, je refuserais. Ah ben, ton normalement, il n'intéresse personne. Tu craches ton dollar et puis t'arrêtes de me les rider. Yeah. Et oui, même les malfrats du réservoir Dogs connaissent les règles élémentaires du savoir-vivre. Toujours un pourliche pour la serveuse, service minimum. Alors après, si jamais tu te sens moins à l'aise dans ce genre d'endroit un peu musclé, tu peux toujours choisir des cafés un peu mieux fréquentés, des rades plus pépères où tu croises des mecs sans histoire, un peu moins rock'n'roll, des mecs qui viennent taper le carton, une bande de potes, des copains un peu niais de la patronne qui souvent ont cru bon de lui composer une chansonnette. C'était bien chez Lorette, on y retournera. Ça donne grave envie d'y aller chez Lorette, non ? Je suis sûr qu'on ne fume pas chez Lorette. C'est quand même beaucoup moins drôle que la clientèle de la rue des Martyrs. Mais bon, tout cela n'est qu'une question de point de vue. Et puis, même chez Lorette, et dans n'importe quel bar d'ailleurs, il y a toujours un type qui fait son effet et avec lequel il faut prendre du temps pour discuter. Oui, car ce type a toujours un tas d'histoires à te raconter. Il connaît tout le monde. C'est une véritable mémoire vivante du quartier et des clients. Un barman, ça écoute les chagrins, les salades, les amours qui pleurent, les cœurs malades. Je sers à ça, à barman. Les barmans les plus rancardés, mais aussi les plus discrets, sont sans aucun doute les garçons qui sont derrière le comptoir des bars d'hôtel. Du Ritz au Danieli, ils assurent un service impeccable et dans ces lieux souvent improbables, parfois déserts, mais toujours luxueux, ils croisent des clients très particuliers. Et quoi qu'il arrive, le barman d'un palace conserve son sang-froid, même devant les situations, comment te dire, les plus inquiétantes. Salut Lloyd. C'est le désert ce soir ici. C'est exact, monsieur Torrance. Qu'est-ce que ce sera ? Eh bien, je suis terriblement content que vous me le demandiez, Lloyd. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas débordé ? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo ! Vous remplissez et moi je me les tape, Lloyd, un par un. Voilà le péché des blancs, Lloyd, mon pote. Voilà le péché des blancs. Le bourbon glace, le péché des blancs. Et oui, dans un bar, tu peux aussi avoir affaire à des types qui picolent sévère. Certains ont l'alcool festif, d'autres peuvent avoir l'alcool violent. Cela dit, dans un bar, il n'est parfois pas nécessaire qu'un mec soit saoul pour qu'il te colle une bonne raclée, mais bon, faut rester stoïque. J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec Sacheré, un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouerai vrai ton blouson. Moi j'ai dit, laisse béton. Eh oui, un troquet, ce n'est pas une aumônerie, et tant mieux. Et du coup, il arrive aussi que tu te frottes à des petites frappes, mais bon, comme dit l'autre, laisse béton. Alors, pour compléter notre regard sur l'univers des bars, nous sommes allés voir cette semaine un géant de la chanson française, le président du jury du prix Constantin, qui sera décerné après-demain, à savoir Monsieur Alain Bashung. Pour commencer, nous lui avons demandé si, comme certains chanteurs, il avait débuté sa carrière par des prestations dans les bars. Réponse, juste après le jingle. La première fois où j'étais engagé, on peut dire que j'étais engagé, c'était dans une brasserie. C'était pendant les vacances à Royan. C'était sur le front de mer et on m'avait engagé pour l'été, c'est-à-dire les vacances scolaires. Et je chantais dans un groupe, je jouais un peu de guitare. Il y avait deux chanteurs. Il s'appelait comment ce groupe ? À un moment donné, il s'appelait les Dances. Et il y avait les gens qui venaient pour boire un petit thé, un demi, ça commençait à 4h de l'après-midi jusqu'à minuit. Et c'était la première fois que je pouvais faire de la musique et gagner un peu ma vie, parce que c'était... J'ai réussi à faire des économies. J'étais nourri, logé, blanchi, et j'avais un peu de sous. C'est un très bon souvenir, et puis il y avait de belles filles qui passaient, et puis voilà, un petit coup d'œil, et puis... La vie est belle. Alors, après cette douce époque du bar de Royan, est-ce que vous avez joué dans d'autres lieux nocturnes un peu alternatifs avant l'Olympia, Alain Bashung ? Je me suis retrouvé à chanter souvent dans un bar où il y avait des filles, enfin des filles professionnelles, j'allais dire. Bon, enfin, voilà. Et c'était devenu des bonnes copines après. Hein. C'était très, très, c'était des moments sublimes. Alors, j'étais leur petit poète. Elles me chouchoutaient, j'avais pas un rond, elles me faisaient des spaghettis à 6h du matin, et puis je chantais tout seul des trucs, j'avais commencé à composer un peu, quoi. Et c'était vers les Champs, c'était rue Pierre Charron, ça, un petit club le soir, et là, parfois, il y avait des directeurs artistiques qui venaient boire un petit whisky le soir pour jeter un coup d'œil et puis se détendre. Des directeurs artistiques vous ont donc repéré et ont bien fait. Mais alors, pour finir, Alain Bashung, si vous deviez devenir patron de bar, quel serait le vôtre ? Ce serait quoi, le bar d'Alain Bashung ? Ah ben, j'aurais peut-être une petite spécialité, quelque chose à grignoter quand même. Pas toutes les semaines la même chose, avec un bon petit pinard qui viendrait d'une région particulière, avec du fromage, et certainement une petite estrade avec un micro pour que quelqu'un puisse chanter de temps en temps.

peser la fumée. C'est impossible, c'est comme peser l'air. Bah oui, je vois pas comment on peut faire ça. J'admets que c'est étrange, c'est un peu comme peser l'âme d'un homme, mais... Sir Walter était un malin. Il a pris un cigare qu'on n'avait pas touché. Il l'a posé sur une balance et l'a pesé. Ensuite, il allume, le fume et dépose soigneusement les cendres sur le plateau de la balance. Lorsqu'il a fini, il pose le mégot sur la balance au milieu des cendres. Et puis il note le poids de tout cela. Il n'a plus qu'à déduire ce poids du poids initial du cigare avant qu'il l'allume et le consomme. La différence, c'est le poids de la fumée. Eh oui, les discussions de comptoir ne sont pas que des trucs de soulard. Elles peuvent également être poétiques, voire existentielles. Pour les romanciers et les artistes, les troquets font partie des endroits préférés d'échanges et de rencontres, comme le célèbre Procope, par exemple, qui se trouve toujours aujourd'hui rue de l'Ancienne Comédie à Paris et où Verlaine trouvait parfois une source d'inspiration en buvant une bière ou une absinthe. Mais bon, cela dépend tout de même un peu du degré d'ivresse. Il est vrai que l'alcool aidant, les échanges peuvent être aussi un peu moins brillants, voire potaches. Ah, je sais pas si t'as remarqué, mais alors maintenant on n'a plus le droit de fumer nulle part. Si ça continue, on nous fout des bistrots dans buveurs. Et j'étais invité par un copain à bouffer un coq au vin, il n'y avait pas de coq, on a bu la sauce. C'est ce qu'on appelle des brèves de comptoir. Elles font partie de la culture populaire des bars. Alors oui, faut faire le tri. Un café, c'est aussi un lieu de rendez-vous. Un truc simple à trouver pour tout le monde. Mais si, tu sais bien, à l'intersection des deux rues, il y a un troquet, putain. On s'y retrouve à 19h, ça te va, peu cher ? Du coup, on y donne toutes sortes de rencarts. D'ailleurs, c'est souvent le lieu de rencontre des premiers rendez-vous amoureux. Rendez-vous à la brasserie du café de la paix. Je t'attendrai, je porte un feutre de couleur neutre. Et mon par-dessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal, tu me reconnaîtras. La la la la la la la. Voilà comment, au gré des circonstances, peuvent naître, au Café de la Paix, des histoires d'amour. Dans les bars se nouent et se dénouent, bien plus qu'on ne le pense, les histoires de sentiments. Parce que, si tu peux rencontrer l'âme sœur au comptoir, de la même manière, il arrive fréquemment que les ruptures se confirment devant un ballon d'Alsace et 15 clopes au troquet du coin. Ce soir, au bar de la gare, Igor à Garé Noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Ta Katia t'a quitté, ta tactique était toc, ta tactique était toc, ta Katia t'a quitté. Mais attention, un bar, c'est aussi l'occasion de se remettre en selle rapidement. La terrasse d'un café est un lieu de drague incroyable. De ton siège en rotin, oisif et faussement pensif, tu scrutes sec. Et de ta tour de contrôle, tu ne perds pas le nord, tu mates bien comme il faut. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dedans la rue, on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé. C'est la caissière du grand café. Oui, rien ne t'empêche de taper aussi dans le personnel. D'ailleurs, certains ont une tactique bien rodée pour tenter de séduire une jeune serveuse qui débute. Il suffit que celle-ci soit un peu débordée et qu'elle passe plusieurs fois près d'un lascar pour que celui-ci, nonchalant mais classieux, l'interpelle en évoquant sa boisson préférée. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Café, que j'aime ta couleur, café. Un café, ça peut être chaud bouillon. Un rad, c'est aussi, pour les ados, un lieu magique de l'émancipation. En général, les parents interdisent à leur môme d'aller au troquet. Alors, tu penses bien, dès que l'occasion se présente, le jeune défie l'autorité et investit les lieux. Babyfoot pour les garçons et confidences intimes pour les filles. Dans le café. Que tu bluffes, que tu mentes, autour des diabolos mentes. Quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Cela dit, il n'y a pas que les mômes qui mentent dans les cafés autour du lycée. Le soir, les bars deviennent souvent l'endroit propice des beaux parleurs et des vies romancées. Dans ce vieux piano bar, elle chantait tous les soirs. Ici, tout le monde l'appelait la star. Elle m'a raconté son histoire, mytho ascendant de Boba. Et moi, je faisais semblant d'y croire. Tout le monde fait semblant d'y croire, mais c'est ça sans doute aussi qui fait le charme des atmosphères nocturnes autour du zin. Parce que dans un troquet, dans l'effervescence et l'euphorie, on triche toujours un peu. Les codes ne sont pas tout à fait les mêmes, alors on s'arrange avec la vérité de sa propre existence. On joue comme pour avoir du rab, une partie gratuite en quelque sorte. On joue sa vie comme on joue au flipper. Déjà tout le monde en flippe, bam bam bam bam. Faut faire gaffe, si tu joues trop fort, tu tiltes. Fin de partie. Quoi qu'il en soit, il est clair pour tout le monde qu'un bar, c'est aussi le royaume de l'excès. Les tentations sont trop fortes et il est difficile de résister à l'intensité des plaisirs que t'offrent ces lieux de luxure. Du coup, il arrive souvent que tu te fasses choper en flagrant délit d'humanité. Je sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. Que l'alcool, c'est pas bon pour le foie. Quant au petit pépé, c'est fatal pour le cœur. Les trois à la fois, y apportant rien de meilleur. Cigarette et whisky et petit pépé nous laissent groggy et nous rend tous cinglés. Cigarette et whisky et petit pépé, c'est ça la vie, mais c'est bon de les aimer. Cigarette, whisky et petite pépé, dis-moi, qui dit mieux, pas grand monde. Pour finir, sache que tout le monde va au café. Les petites gens, les banquiers, les amoureux, les truands, les artistes, les ouvriers. Et qu'en plus, c'est un lieu de rencontre planétaire. Partout où tu iras, tu trouveras toujours un rad avec une clope, une tequila et une señorita. Hola, señorita, que Québec, por entrar. Juanito, in wrestling partners die. He rides on his donkey. That's what he knows the best. Fucking all the chicas from the east to the west. And when you're hearing gold, all the señorita que quede por entrar. Juanito, interprété par Power Solo, Un trio de frangins danois qui s'éclatent sur ce morceau foutraque et se donnent à fond, comme s'ils faisaient leur premier concert dans l'arrière-salle d'un bar à tapas. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des bars à tapute, il y a aussi des bars à tapas. Pour poursuivre notre exploration de l'univers étrange et pourtant quotidien des bistrots, nous allons retrouver maintenant deux piliers de la panique au Mangin Palace, deux habitués de l'émission, les formidables Monique et Jean-Claude. Au milieu des années 90, Monique et Jean-Claude ont vécu une sympathique aventure humaine. Leurs amis, Brigitte et Jean-Pierre, heureux propriétaires d'un petit café en province, leur ont demandé de les remplacer toute une journée. Monique se voit déjà servir des pina colada et des gin fizz, tandis que Jean-Claude, lui, ne rêve qu'à une seule chose. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Arrivés sur place, Monique et Jean-Claude sont un peu surpris. Ils avaient imaginé un petit troquet pittoresque et ils se retrouvent dans un rade perdu au milieu de nulle part. Le café s'appelle chez Bibi chez JP, entièrement décoré de meubles anciens, sans doute achetés chez un brocanteur. Chaises en sky orange, table en formica, flipper antique et surtout patchwork de billets de banque de tous les pays du monde scotchés autour du bar. Monique, elle, ne veut pas bosser ici. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Jean-Claude lève le ton. Ils ont promis à Brigitte et Jean-Pierre de les remplacer toute une journée, et foi de Jean-Claude, ils le feront. Pour la matinée, tout se passe plutôt bien. Quelques habitués viennent boire leur petit vin blanc. Certains offrent même un coup à Jean-Claude, mais le blanc le matin, ça ne lui dit rien. Alors à la place, il se sert un express. À 11h30, au bout de son 12e expresso, le Jean-Claude est un peu tendu. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris, et c'est fini. Oh, oh, oh. Trop d'expresso, c'est pas possible, Jean-Claude, ça l'excite trop. Alors lui aussi se met au vin blanc. Au bout d'un moment, Monique appelle discrètement Jean-Claude. Elle lui explique que peut-être ce serait pas mal d'offrir une tournée, histoire d'être bien vu. Il paraît que ça se fait. Jean-Claude ouvre alors une nouvelle bouteille de blanc et annonce « Tournée générale !» C'est l'euphorie chez Bibi, chez JP. Merci patron, merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Les heures passent et Jean-Claude, le chiffon sur l'épaule, discute avec quelques habitués en sirotant un petit blanc. Un commis d'agriculture explique longuement à Jean-Claude qu'il ne faut pas planter des salades quand la lune est rousse, sinon elle brûle. Passionnant. Monique, elle, n'est pas persuadée que le métier lui plaise tant que ça. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Jean-Claude, lui, continue d'ouvrir des bouteilles de blanc. Il rince tout le monde à l'œil, c'est top, c'est pas son bar, il s'en fout. Monique en a plein les reins d'essuyer les verres et pique quelques pièces dans la caisse pour faire un flipper. Ça la fait rêver cette machine, la boule qui se cogne partout, c'est un peu sa vie. L'après-midi est calme. Monique continue tranquille de jouer au flipper et Jean-Claude s'est fait un nouvel ami. Un pêcheur qui disserte longuement sur la manière de fabriquer des appâts. Jean-Claude, ça le passionne. Il n'aurait jamais pensé à faire une bouillette au caramel pour pêcher la carpe. Jean-Claude est plongé dans sa conversation quand il est interrompu par une petite fille. Le bar fait dépôt de pain et la gamine est venue chercher un pain de 2 livres et une baguette viennoise. Et voilà. Merci. Je vous demanderai de me régler tout de suite. Oh oui, bien sûr. C'est combien? C'est marqué. Je vais lire. 4,30 francs, c'est ça? Oui, c'est ça. Tenez. Vous vous foutez de moi? 200 francs pour 4,30 francs? Je suis désolée, j'ai pas de monnaie, monsieur. Bah, moi non plus. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens n'ont jamais de monnaie, alors comment voulez-vous que j'en ai, moi? Casse-toi, sale gosse. L'après-midi est franchement calme quand Soudain, un groupe de chasseurs entre chez Bibi, chez JP. Tout le monde commande en même temps, c'est la panique. Jean-Claude et Monique ne savent plus du tout où donner de la tête. Bon alors, c'est pour aujourd'hui, pour Noël. Un plat d'Iméry. Un Alexandra. Un pain blanc. Un pain de colis. Une bonne calaille. Un Singapour sling. Un pain blanc. Un pain de colis. Et ma couette frappée. Vous allez me servir, oui. Ça va. Ça va. Vous là, redites ce que vous voulez. Un martini. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pauvre Jean-Claude. Les chasseurs, à peine servis, Monique et Jean-Claude se servent un petit sauvignon bien frais pour se remettre. Soudain, la porte du café s'ouvre violemment. Un des chasseurs glisse à l'oreille de Jean-Claude, c'est Dédé le cow-boy. Entre alors dans le café, comme dans un saloon, un chasseur à l'allure improbable. Santiago reluisante, blouson en cuir à franges, chapeau à la John Wayne, 1m48, la cinquantaine bien tassée. L'homme s'approche du zin, pose son fusil, il a l'air abattu. C'est pas faire de trop qui fera déborder l'ardoise. Allez, patron, un ordinaire. Mais qu'est-ce qu'a bien pu mettre Dédé le cow-boy dans cet état? Eh bien, c'est très simple. Cet après-midi, alors qu'il l'avait en joue, Dédé le cow-boy n'a pas réussi à tirer sur un jeune chevreuil qui le regardait de son œil humide. Dédé qui, il y a encore 6 mois, t'aurait flingué Bambi sans problème, là, il n'a pas osé tirer, mais qu'est-ce qui lui a pris? Dédé, il se demande s'il ne serait pas devenu écolo de gauche. L'horreur! Jean-Claude ouvre alors une nouvelle bouteille de blanc et, pour le consoler, lui offre un verre. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Les clients partent les uns après les autres, il est tard et seul Dédé le chasseur reste là accroché aux uns. Monique insiste pour que Jean-Claude le fasse partir, mais Jean-Claude ne sait pas comment on vire un ivrogne. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Monique, elle, s'est endormie derrière le comptoir. Alors, Jean-Claude reste avec Dédé le cow-boy à boire coup sur coup. Ils refont le monde, parlent des dangers de la grippe aviaire dans les banlieues. Maintenant, Dédé en est convaincu, il est écolo. C'est sûr, demain matin, il l'appelle Brigitte Bardot. Je vous téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et je me remémore. Notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu. Ceci est ma prière, je te la fais. Et déjeunons à terre. Non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Allô, oui, c'est moi encore. Écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors, je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps, me réclamant en vain, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais, et tes genoux à terre. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien, moi je veux de toi. C'est tout. Mais ne raccroche pas encore, écoute-moi bien. Moi je voudrais qu'une fois encore, tu me prennes pour quelqu'un et tes yeux brillent si fort. Comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais. Et tes genoux à terre. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis plus sourd. C'est ce que chante Christophe Niosek sur son premier album Boire, sorti en 1995, parce que quand t'es un peu à bout, tu trouves toujours un bistrot sympa pour t'accueillir. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur de l'univers enfumé des troquets. Des bars du Montparnasse aux terrasses ombragées de Provence, de Verlaine au Procope à Jean-Claude dans un rade, du Gin Fizz au Petit Noir, nous t'avons dressé un panorama des débits de boissons à l'heure où l'on parle hérésie d'interdire la clope dans les bars. En France, le bistrot est un véritable lieu de mémoire. Certains y ont passé les plus belles heures de leur vie, pendant que de bonnes âmes condamnaient les troquets comme des lieux de perdition. Sauf que les bars sont sans conteste un lieu de mixité sociale, de rencontres et de débats. Avoir un bar près de chez toi transforme la vie de ton quartier. On s'y retrouve entre voisins, autour d'un verre. Le visiteur de passage peut y acheter ses clopes et le policier de proximité peut y boire son café. Il y a le long des comptoirs, des bistrots parisiens, des gens qui tous les soirs, en se rentrant du turbin, se racontent leur vie sur un temps fainéant. Ils parlent de la pluie, ils parlent du beau temps, ils parlent de voitures, de foot et de boulot. Mais une chose est sûre, ils ne boivent pas de l'eau. Qu'ils rentrent du bureau, de l'usine, du chantier, c'est toujours au bistrot que finit leur journée. Cependant, remarque bien, certains quartiers de nos banlieues n'ont pas cette chance. Ces quartiers sont faits de bars sinistres où les cafés et les commissariats de proximité ont bien souvent disparu. Aujourd'hui, ces quartiers sans mixité sociale brûlent. Alors on peut y voir soit l'action de sauvageons incontrôlables, soit l'action de mômes complètement paumés qui confondent cocktails Molotov et bouteilles à la mer. Certes, la forme de contestation qu'ont choisi quelques jeunes de banlieue est inacceptable et qui plus est, peu efficace, mais ceux qui ont laissé dépérir ces quartiers s'étonnent aujourd'hui que ces jeunes ne respectent pas la voie hiérarchique pour réclamer de l'aide. Brûler une bagnole ou caillasser des pompiers, c'est inacceptable, mais laisser des quartiers dans l'état dans lequel ils sont, c'est criminel. Voilà 30 ans qu'on nous dit qu'il faut détruire ces tours invivables. Elles semblent encore loin, la mixité sociale, dans les vieilles bars des quartiers de banlieue. Aubert et son téléphone, oui, je rêvais d'un autre monde. Voilà, fin du 9e épisode, c'était C'est quoi un bar ? Revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, toujours composé d'une bande de furieux, personne n'a encore craqué, espère que tu as fait bon voyage et t'attends dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, alias Tom Cruise dans Cocktail, un ami précieux et sans qui cette émission ne serait pas la même. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Isaac, barman de la Croisière S'amuse, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui d'Olivier Daligo et de Michel Toutain. Merci à vous deux. Pour toute la doc, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi, un cocktail Bellini à elle toute seule. Merci beaucoup Amel. Voilà, après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. On a juste le temps de prendre un café et l'addition.